exercice pour la suite. Nous nous sommes intéressés à la Grande Halle ici et élargissons notre regard pour regarder ce qui se passe à l'échelle du territoire. Quel territoire ? Celui de la région Normandie. Donc on peut en parler. Guillaume Déal, chef du service économie circulaire de la région Normandie. Bienvenue. Karine Morel, vous travaillez chez Calvados Habitat, la direction de l'innovation et du développement durable. Maud Dauphineau, vous êtes adjointe au directeur général adjoint finance du conseil départemental du Calvados. Julie Benoît de Bellastock et puis Frédéric Denise, architecte porteur de l'opération Hangar Zéro. Alors, comme tout à l'heure, j'ai envie qu'on fasse un petit tour de table très rapide pour que tous ceux qui, celles et ceux qui vous écoutent puissent mieux vous connaître. Je vais commencer avec vous, Maud. Maud Dauphineau, donc adjointe au directeur général adjoint des finances et des moyens généraux. C'est bien cela, je ne fais pas d'erreur. Du conseil départemental du Calvados. Expliquez-nous, quel est votre métier ? Pour comprendre. En plus d'être adjoint, je suis directeur des bâtiments. D'accord. Donc en fait, je gère l'ensemble des bâtiments propriétés du département hors collège, puisque j'ai mon collègue qui gère les collèges qui est là, ce qui représente un peu plus de 200 bâtiments à l'échelle du département. Et on a voté en 2016 un plan stratégique immobilier qui nous entraîne sur la mandature, donc 2016-2021, voire un petit peu plus, avec 70 millions d'euros d'investissement. Donc en fait, on a une période assez chargée en termes bâtimentaires dans les années à venir. Oh, donc sans doute de nombreux gisements et débouchés à imaginer. Tout à fait. On va en reparler. À vos côtés, donc, Karine Morel de Calvados Habitat, direction de l'innovation et du développement durable, ça tombe bien. Donc Calvados Habitat, ça représente quoi à peu près ? Donc Calvados Habitat, bientôt Inolia, puisque Calvados Habitat au 1er janvier est le rapprochement de deux bailleurs normands, principal acteur du département, Calvados Habitat et le JPI. Donc aujourd'hui on est un bailleur social, 25 000 logements sur l'ensemble du Calvados, et on construit, on démolit et on réhabilite. Ouais, très bien. Guillaume, je passe à vos voisins parce que ensuite je reviendrai avec vous pour rentrer dans le vif du sujet. Oui, il y a aussi des micros qui sont ici. Ça va vous simplifier le travail. Julie Benoît, alors vous n'êtes pas la régionale de l'étape. Bellastock, vous pouvez nous présenter en quelques mots ce que c'est. Oui, alors je suis l'exception du coup. Je me dis que j'ai pas grand chose à dire par rapport à tous les super retours d'expérience qu'on écoute et qu'on va écouter quand je vois mon voisin. Maintenant, Bellastock, c'est une association d'architecture donc, qui est parisienne, même si on a l'occasion de travailler dans différentes régions. On dit qu'on est une association d'architecture expérimentale, c'est-à-dire qu'on accompagne les commanditaires, enfin les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises, mais aussi les collectivités en appui aux politiques publiques. Donc on accompagne les acteurs à une autre façon de fabriquer la ville, à une alternative à l'acte traditionnel de construire au sens normatif du terme. Voilà. Donc on peut travailler sur la question du réemploi et on y prend beaucoup de plaisir. Et également, on peut travailler sur des questions plus urbaines, territoriales. Voilà, on peut travailler sur la question du métabolisme urbain ou sur la question d'urbanisme, de la transition. On aura le temps d'en reparler. Merci. Et puis à vos côtés, donc Frédéric Denise, vous êtes architecte et vous êtes partie prenante de l'opération du Hangar Zéro qui se situe où ? Situez-nous l'opération sans la décrire, on y reviendra plus largement tout à l'heure. D'accord. Bah, le Hangar Zéro, c'est le petit frère de la Grande Halle au Havre. Ah, moi, j'avais noté le cousin. Quand on s'était parlé, c'était le cousin. On s'est rapproché depuis. En fait. Voilà, ouais. Très bien. Donc au Havre, de l'autre côté de l'eau, comme on dit en Normandie. Ouais. Ouais. Très bien. Donc on va découvrir sur cette table ronde où il y a deux projets qui sont lauréats de l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt qui avait été lancé par la région. Et donc la région, Guillaume Déal. Donc je le rappelle, vous êtes chef du service économie circulaire de la région Normandie. Vous avez entendu tout ce qui existe autour de ce projet de la Grande Halle. À l'échelle de la région Normandie, la dynamique de réemploi, ça s'inscrit dans quel paysage ? Donc Guillaume Déal. Là, moi, je suis là pour jouer un peu le rôle du technocrate de service, j'ai l'impression. Donc la manière dont on l'a envisagé, nous, ça s'inscrit dans un projet global, à savoir comment créer les conditions du développement de l'économie circulaire en Normandie, donc le réemploi étant un des volets, hein, mais c'est pas le seul, loin de là. Et pour ce faire, en fait, on a mis en place une gouvernance régionale avec l'ADEME et l'État. Donc Eric Prudhomme de l'ADEME prendra la parole en fin de journée. Oui, qu'on en fin entendra tout à l'heure. Il nous dira si tout ce qu'on a oublié de dire, voilà, c'est ça. Les questions non posées. Qui m'en pense bête. Et donc en fait pour ce faire, donc voilà, donc on se réunit depuis maintenant 2016 en fait, donc assez rapidement dès la fusion des deux administrations normandes. Il y a donc eu cette réflexion qui a correspondé également à l'attribution pour la région d'une nouvelle compétence en matière de déchets. Et depuis donc 2016, on est donc en charge de l'élaboration et du suivi d'une planification en matière de prévention et de gestion des déchets. Et dans ce nouveau plan en fait, qui voit intégrer un schéma régional d'aménagement de développement durable, il y avait un nouveau plan en fait, qui a été introduit, à savoir un plan d'action en faveur de l'économie circulaire. Et en Normandie, on l'a appris travaillé d'une manière un peu particulière, en considérant en fait, que la question de l'économie circulaire en fait, ne pouvait pas être encapsulée dans la seule problématique de réduction et de valorisation des déchets. Et c'est la raison pour laquelle on a travaillé en parallèle de l'élaboration de ce nouveau plan à l'élaboration et on parle également d'une stratégie régionale d'économie circulaire. Et donc il ne travaille pas que sur le volet recyclage des déchets en l'occurrence, mais qui travaille également sur la dimension consommation ou sur la dimension production en fait, et donc qui interroge sur toutes les manières de concevoir l'économie circulaire, donc à la fois sur le volet sobriété, sur les changements de comportement, sur les nouveaux modèles économiques qu'on peut mettre en place. Alors il y a un outil très opérationnel qui a été lancé il y a maintenant un an, une plateforme web, mais qui n'est pas qu'un outil dématérialisé, il se passe des choses en IRL comme on dit. Oui, tout à fait. Tout à fait, Rebecca. En fait, donc, ça fait partie de toute la palette d'outils qu'on a essayé de mettre en place pour favoriser justement la transition de la Normandie vers l'économie circulaire. On a donc cette plateforme qui s'appelle Normandie Économie Circulaire, on l'a bien nommée, et qui en gros est un centre de ressources qui permet de compiler un petit peu, de référencer toutes les initiatives qui ont émergé, qui existent déjà sur le territoire régional, parce que le territoire n'a pas attendu la région, l'ADEME et l'État pour s'engager sur le sujet. Le projet de la Grande Halle d'ailleurs en est la preuve. Mais on a également donc, des agendas partagés pour avoir un peu toute l'actualité qu'il peut y avoir dans le domaine. Et puis également, c'est un espace collaboratif de travail qui a été mis à la disposition des acteurs régionaux de l'économie circulaire, donc qui travaillent sur à peu près la plupart des volets, pas encore sur tous, mais en tout cas qui travaillent sur les volets qui sont propres à la Normandie et qui sans doute correspondent à des leviers de la transition écologique de la Normandie. Alors déjà 300 inscrits sur cette plateforme, utilisateurs de ces espaces. Plus de 300, mais d'ailleurs souvent après chacune de nos interventions, on ramasse une vingtaine de supplémentaires, donc j'espère que ça fera pareil cette fois-ci encore. Oui, effectivement, plus de 300 acteurs qui sont déjà référencés et qui gravitent autour, je dirais, de cette gouvernance régionale qu'on a conçue de la manière suivante. En fait, donc on a donc effectivement ce triumvirat ADEME et ta région, mais l'idée c'est bien de s'appuyer sur le terrain et de pas créer des outils hors sol. Et donc on a une constellation de clubs et de réseaux d'acteurs qui travaillent, alors qui sur le gaspillage alimentaire, d'autres sur l'éco-construction, sur la commande publique responsable, voilà, l'allongement, enfin sur la réparation, enfin voilà, on a comme ça les différents volets qui sont traités. Et donc on leur met à disposition également cet outil de partage qui permet justement d'échanger des documents, de travailler sur des feuilles de route qui leur sont propres pour pouvoir avancer sur leur sujet. Et donc tout ça, l'idée, c'est également été un autre outil qu'on a mis en place, donc plus en transversalité, qui est donc l'élaboration donc, de la fameuse stratégie dont je vous parlais, et qui, fait écho à la fois à ce qui se passe au niveau national avec la feuille de route nationale et la future loi, peut-être, sur l'économie circulaire, et également sur les travaux même des différents clubs et réseaux d'acteurs. Et puis on a encore un autre volet, qui est un laboratoire d'idées, en fait, qui est là, plutôt en transversalité sur les sujets qui concernent tout le monde. Donc en 2018, quand on a commencé l'expérimentation, c'était sur le changement de comportement, qui concerne absolument tous les volets de l'économie circulaire. Et puis là, on va travailler cette année plutôt sur les nouveaux modèles économiques, en fait, qui, pareil, normalement, concernent vraiment tout le monde. Un outil très opérationnel qui a été lancé il y a un an, c'est ces trois lettres AMI, appel à manifestation d'intérêt. J'aimerais que vous nous en parliez et aussi, en le présentant, de nous dire pourquoi c'est un AMI et pas un appel à projet. Qu'on puisse comprendre la distinction qui, je pense, est quand même importante en termes de dynamique territoriale. Si on fait un peu de sémantique, du coup, je ne sais pas s'il y a une grande différence. En tout cas, l'idée, c'est d'en faire cet appel à manifestation d'intérêt, c'est en faire un aspirateur à projet et voir un peu tout ce qui pourrait émerger, tout ce qui est en train d'émerger sur le territoire. On l'a conçu assez large, donc toujours pareil, avec le même pilotage. Je dirais que là, on n'a pas forcément de... L'idée, c'est après s'appuyer sur nos dispositifs actuels pour ensuite accompagner les projets, mais on ne les accompagne pas uniquement sur le volet financier. Voilà, hein, c'est pas systématique. C'est pas juste une enveloppe qui est distribuée. Non, c'est vraiment... l'idée, c'est aussi d'être en dialogue direct avec eux pour essayer de bien cadrer les projets, voire les réorienter, leur donner peut-être un cliquet supplémentaire. Et donc voilà, on est aussi dans ce travail d'accompagnement technique qui est assez intéressant pour nous parce qu'on a aussi besoin de s'acculturer tous les uns les autres et qui permet en plus de créer des passerelles entre chacun des projets. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur la question du réemploi avec à la suite des premiers lots de première vague de lauréats en fait de cet appel à manifestation d'intérêt en 2018, on a eu beaucoup de lauréats qui travaillaient sur la question du réemploi dans le domaine de la construction. En plus, non seulement ils travaillaient avec des entrées différentes, souvent d'ailleurs, mais voilà, on était sur le champ du réemploi et puis ça maillait assez bien le territoire. Enfin, il y avait des projets dans le Cotentin, le Calvados, donc avec mes collègues de gauche, des projets donc sur le Havre, des projets également sur la région de Rouen. Donc voilà, ça, on a vu qu'il y avait manifestement, en tout cas, une profession et une filière qui était déjà assez investie sur le sujet, et avec laquelle on travaille déjà par ailleurs. Hein, mais donc voilà, il y avait manifestement un coup à jouer là-dessus. Donc c'est la raison pour laquelle on commence à travailler à la mise en place d'un nouveau club et réseau en fait qui n'existait pas encore aujourd'hui, sur la question du réemploi dans le domaine de la construction, et dans lequel on a fait une première réunion de travail justement pour revoir quels étaient les objectifs communs qui pouvaient être menés, et puis donc les actions qui pouvaient être mises en place. Mmh. Mais l'intérêt, c'est qu'il y a chacun est venu avec une entrée un peu différente. Il y en a, ils ont plutôt une entrée environnementale, d'autres plutôt une entrée métier, compétences, d'autres c'est plutôt économique, d'autres c'est plutôt une entrée emploi. Mmh. Donc voilà, on a toute une palette comme ça de d'acteurs, et donc l'idée, voilà, c'est de travailler en commun pour avancer sur le sujet. Et cette diversité d'approches est particulièrement intéressante dans cette logique de filière. On en parlait tout à l'heure en fin de première table ronde, de filière aussi industrielle. Donc il faut cette diversité d'acteurs et d'approches. Alors autour de vous, Guillaume, il y a deux lauréats de ce premier AMI, appel à manifestation d'intérêt. Alors j'ai envie qu'on commence par le Calvados, puisqu'on est ici. Avec vous, Karine et Maud. Maud, donc le thème de cette... de l'AMI, du projet que vous avez présenté, c'est une filière de réemploi dans le Calvados. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous décrire justement ce projet ? Alors ce projet, il est tripartite, on va dire, ou quadri ou quintupartite, mais on va faire simple, on va dire tripartite. Département du Calvados, Calvados Habitat à l'époque, et le WIP. En fait, on a eu l'occasion de travailler, d'être un chantier source sur le sujet de la Grande Halle. Pauline est venue taper à notre porte un jour en nous disant « J'ai un conseiller départemental qui m'a dit que ça serait bien de voir parce que vous êtes en train de rénover l'hôtel du département. » C'était deux jours avant le début du chantier de déconstruction, donc ça s'est fait de manière un peu anticipée, contrairement à Calvados Habitat, on va dire ça comme ça. Mais voilà, on a eu l'occasion, on avait deux gros chantiers de restructuration qui démarraient, donc on a servi un peu de base. Et puis voilà, ça s'est très bien passé, on a trouvé ça intéressant. Nous, ça fait partie de nos préoccupations actuelles. Et puis, quelques mois après, on a de nouveau vu Pauline taper à notre porte, nous disant, écoutez, on a fait quelque chose d'intéressant jusqu'à présent. Il y a un AMI lancé par la région, ce serait intéressant qu'on y travaille ensemble. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, on est à la fois producteur et potentiel utilisateur de réemploi. On a des gros chantiers à venir. Est-ce qu'on peut servir un peu de base d'études pour essayer de structurer un peu les choses et faire profiter finalement, de servir un peu de test pour profiter, faire profiter ensuite les autres de notre expérience. Donc trois volets dans cette opération, une phase de diagnostic des opérations potentiellement intéressantes, d'expérimentation et d'évaluation. Donc, et tout ça sur 2 ans. Donc, c'est ça. L'objectif, on aura assez rapidement finalement un retour sur expérience de cette démarche. Alors pour vous, Karine, alors je vais dire Calvados Habitat, ça vous dérange oui, pas si aujourd'hui oui, allez-y. Voilà. C'est 1er avril normalement, donc on a le droit encore. Ah bah, c'est bon. et donc justement, comment vous vous intégrez dans cette dynamique? Vous avez beaucoup de chantiers à ouvrir à ce diagnostic en partenariat avec le WIP et le département? Donc oui, en effet, on est un bailleur, on a 25 000 logements, mais chaque année, en fait, on construit environ 250 logements et en fait, on réhabilite aussi 250 logements, à peu près. Je vous fais un peu simplement, tout simplement parce qu'on a des territoires où il y a trop de logements, donc là, on démolit puisqu'on a de la vacance, et on a aussi des territoires sur Caen, et notamment, par exemple, le quartier Rethel, où là, le produit ne répond plus à la demande. Donc, effectivement, il a été choisi du coup de démolir des logements, d'en réhabiliter et d'en reconstruire. Alors ce quartier Rethel, justement, en termes de temporalité, il y avait déjà cette sensibilité au réemploi sur cette opération qui a permis et qui a peut-être aussi justifié, légitimé l'entrée dans ce partenariat. Oui, en fait, Rethel, le chantier d'origine a été lancé en 2012, donc très longtemps, puisque c'est un chantier entre de la démolition et la construction. On va atterrir à 600 logements à la fin. Et du coup, la première phase a commencé en janvier 2018 avec la démolition en fait, de 34 logements. Et c'est justement dans cette opération où on a travaillé avec le WIP sur le réemploi de la charpente qui, du coup, devrait servir, ce que j'ai compris, sur les balcons. On va les retrouver. Donc ça, c'était la charpente, mais sur ce chantier-là, on a aussi intégré, on a fait du stockage de plateformes sur du concassage de matériaux et de la terre végétale et de la tuile. Et comme c'est un chantier qui va se faire par différentes phases, on va essayer de réutiliser ces matériaux pour les autres phases de construction. Donc c'est toujours cette logique. On n'a peut-être pas eu le temps de beaucoup insister lors de la première table ronde sur l'enjeu de proximité entre le gisement et le débouché pour que l'efficacité globale du projet, notamment en termes d'impact écologique, soit le plus intéressant possible. Donc là, en ce moment, Karine, vous avez confié en fait à 5-6 ans l'ensemble des chantiers que vous avez. Alors, on s'est vu récemment, on a pris l'ensemble de tous les chantiers chantiers en phase étude, conception, sur 5 ans, ce qui va représenter entre 600 et 800 logements, où là, on va regarder donc 600 à 800 logements entre la démolition et la reconstruction sur l'ensemble du territoire. Donc après, l'enjeu, effectivement, ça va être de regarder... les matériaux, le planning et les endroits, puisqu'effectivement, bailleur Calvados, donc on peut avoir des chantiers à Trouville comme des chantiers à Condé-sur-Noireau. Donc il va falloir trouver des choses. Et ce qui est intéressant, effectivement, de travailler avec le département, c'est que du coup, on va pouvoir croiser des choses. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut absolument plusieurs maîtres d'ouvrage pour pouvoir mutualiser à la fois du gisement et du oui. débouché. Mmh. Tout à fait. Alors je vous propose qu'on aille du côté du Havre, de l'autre côté de l'eau, avec vous, Frédéric. Le petit frère de la Grande Halle, ce hangar zéro. Vous êtes architecte. Qu'est-ce qui va se passer déjà, peut-être le localiser sur le Havre. Et puis, qu'est-ce qui va se passer dans ce hangar zéro d'ici quelques temps? Alors, effectivement, c'est le petit frère, parce qu'au niveau programmation, c'est assez équivalent, même s'il y a pas mal de choses qui sont un peu différentes. Bon, ce sera principalement une pépinière de l'économie circulaire réunissant des artistes, des artisans, des entreprises, des associations qui travaillent dans la transition écologique et l'économie circulaire, mais pas que, également beaucoup d'agriculture urbaine, une serre aquaponique, un restaurant associatif, une boutique éthique qui vendra, enfin équitable plutôt, qui vendra les produits qui sont faits sur place, un brasseur, réparateur de vélo, réparateur d'ordinateur, mais également bureau d'études, cabinet d'architecture. Et j'en oublie sans doute beaucoup. Pour l'instant, il y a une trentaine de résidents qui sont inscrits. Oui, ça pourra doubler, je crois, c'est ça ? Bah, oui, normalement, il y a la place pour une soixantaine de résidences. Il y a 2400 mètres carrés, 1500 en location, voilà, à des prix bon, assez, un petit peu en dessous des prix du marché. Oui. Et puis, il y a 1000 mètres carrés d'espaces gratuits, par contre, enfin, qui sont des espaces collaboratifs, d'ateliers partagés, en intégrant. Enfin, donc, une des différences, c'est que l'hangar zéro, en fait, il y a les plans qui passent parfois, mais. Oui, c'est on a fait un petit mélange, voilà. Donc, c'est au Havre, en fait, à l'interface entre la ville et le port. C'est sur le quartier Saint-Nicolas. Donc, c'est un quartier très populaire. Donc, du coup, il y a des habitants qu'on veut intégrer dans le projet au niveau aussi bien programmation. On laisse des espaces en fait libres d'occupation en attendant de trouver un programme qui, dans lequel les habitants. Vous allez regarder le métabolisme de l'utilisation de ces espaces pour voir comment les gens s'y approprient. Et... Oui, non, mais même bien avant, on a même fait du porte-à-porte en fait pour expliquer le projet et puis recueillir un peu la parole des habitants et éviter le phénomène de enfin, d'entre-soi, de gentrification d'un quartier très populaire, etc. Et vraiment de les impliquer, même si c'était pas, même si leur projet n'est pas écologique. Par exemple, s'il s'agit d'un atelier de réparation de voitures, bon, bah, on acceptera, par exemple. Voilà. Enfin, je donne un exemple, mais ça peut être d'autres choses. Sinon, bah, y a des gens, jardins, enfin, des potagers partagés également, qui permettent également d'intégrer les habitants. Et puis, bah, le voisinage, il y a une maison de retraite, il y a un lycée également qui veulent avoir des jardins transgénérationnels. Bon, l'idée, c'était d'être le plus inclusif possible. Et le réemploi, quelle place il a dans cette opération ? Bah c'est dans l'ADN, quoi. Enfin, c'est dès le départ, le projet est conçu. L'idée, c'est de faire le maximum de réemploi. Tout ce tout ce qui peut être réemployé sera réemployé. Alors, l'autre différence avec la Grande Halle, c'est qu'on est en marché privé. Voilà, on n'est pas en marché public, donc on a beaucoup plus de latitude. Et qu'au niveau de la conception, j'ai veillé à ce que il y a une stratégie d'évitement par rapport à certaines réglementations très, très lourdes au niveau réglementation incendie ou autre, notamment moins de 300 personnes, plancher haut à moins de 8 mètres, pas de locaux à sommeil. Du coup, en fait, on a quasiment, on évite en fait les plus grosses contraintes de réglementation incendie. Il n'y a plus qu'à respecter bon, les tenues au feu ou des choses comme ça. On a choisi on n'était pas obligé de prendre un bureau de contrôle. Oui, c'est ce que je veux dire, parce que là, vous parlez de stratégie d'évitement et en même temps, vous avez été choisi d'avoir un bureau de contrôle pour faire avancer la cause aussi du réemploi et de la méthodologie. Ouais. Parce qu'en fait, la stratégie d'évitement, il ne s'agit pas de mettre en danger les gens qui occupent. Donc, c'est de réfléchir avec le bureau de contrôle pour maximiser en fait, la sécurité. Les circuits d'évacuation sont très simples. C'est un bâtiment qui a des portes partout. Il est très ouvert sur le quartier. Mais c'est aussi, y a quand même quelques réglementations, la tenue au feu ou les comportements au feu des matériaux, où là on propose, l'idée c'est d'innover le plus possible, d'intégrer beaucoup de terre crue notamment, parce que bon, les matériaux de réemploi, c'est basse énergie grise, il ne faut pas oublier la terre crue, la paille, enfin tout ce qui peut, être bénéfique à une basse énergie grise. D'enduire des matériaux qui ne sont pas forcément classés au feu. On va fabriquer des isolants, comme le béton de papier, le carton terre, utiliser des vêtements, etc. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas, par analogie avec la paille qui brûle, c'est tout à fait accepté, à condition qu'il y ait un enduit terre. Donc l'idée, c'est d'expérimenter en fait, du réemploi, mais aussi de l'expérimentation sur des usages de matériaux détournés, mais remis quand même dans les clous par rapport à la réglementation incendie. Alors, est-ce qu'en travaillant, c'est en travaillant sur la recherche de gisements pour cette opération-là que l'envie vous est venue avec d'autres sur le territoire du Havre de voir plus grand et d'où le projet de plateforme PERMAC qui fera l'objet d'une deuxième réponse à l'AMI régionale ? Alors non, PERMAC, en fait, c'est une plus vieille histoire. Moi, ça fait au moins 6 ou 7 ans que je travaille sur le sujet, mais je n'avais pas assez de temps pour le développer. Et en fait, c'est le hangar zéro qui a permis une opération pilote. Hangar zéro, en fait, qui était... Il y a une grande énergie militante, en fait, dans le hangar zéro, puisque c'est issu de Alternatiba Le Havre en 2015. Ça a permis le regroupement de plusieurs associations, des AMAP, des CEL... associations, entreprises de l'économie sociale et solidaire, etc., qui nous a en fait reliés et on a voulu créer un alternatiba permanent. Donc on s'est saisi de réinventer la scène pour candidaté sur le hangar O, qu'on a rebaptisé hangar 0. Hein. Et donc, c'est le fait d'avoir été lauréat qui nous a permis de lancer ça. Et du coup, ça donne davantage de perspectives à PERMAC. Donc, PERMAC, c'est l'acronyme de plateforme d'échange et de réemploi de matériaux de construction, qui du coup, sa mission qu'elle s'est donnée, c'est de regrouper localement les acteurs du bâtiment qui ont envie de se mettre en réseau pour pratiquer le réemploi. Donc, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise, bureau de contrôle, assureur, etc. Enfin, tous ceux qui interviennent dans l'acte de bâtir. Partant du fait que si les gens qui ont envie de faire, c'est quand même beaucoup plus simple de travailler en réseau avec des gens qui veulent expérimenter. Et ensuite, l'idée, c'est de ne pas faire une plateforme physique, c'est plutôt dématérialiser, enfin, c'est plutôt mettre en liaison des chantiers donneurs et des chantiers preneurs au sein de ce cercle d'acteurs qui ont envie de le faire, pour flécher les ressources vers un usage anticipé, donc avec les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage, de façon à ce qu'il n'y ait pas de stockage, un seul transport. C'est la même entreprise qui dépose et qui repose du chantier donneur au chantier preneur. Ouais, ça, c'est un élément important. Vous me parliez de synchronicité, justement, entre ces différents acteurs et ces différents temps, parce que finalement, c'est un peu le problème qui a pu être rencontré. Alors, excusez-moi de tourner le couteau dans la plaie des menuiseries ici. Peut-être que si la plateforme avait existé à une échelle, sur ce territoire, ça pouvait apporter une des réponses. J'imagine que c'est aussi un peu ça. Bah, c'est sûr qu'avant d'être démonté, elle est bien à l'abri là où il faut, et la démonter et la remonter aussitôt. Alors bon, c'est évident, c'est complexe. Pour l'instant, on n'en est pas là. Hein. Pour l'instant, on en est à des chantiers pilotes, mais l'idée à terme, c'est ça. Donc pour ça, il faut un effet de masse, c'est-à-dire qu'il faut suffisamment de chantiers donneurs, suffisamment de chantiers preneurs, qu'il y ait suffisamment d'anticipation de plan A et de plan B au cas où il n'y a plus la synchronicité recherchée et perdue. Donc ça peut fonctionner qu'à partir d'un effet d'un seuil, enfin, donc d'un grand, enfin, on évaluait une vingtaine, quoi, de chantiers donneurs-preneurs pour qu'il y ait de la fluidité et qu'on puisse anticiper justement cette cotemporalité. Très bien, donc ça sera dans le cadre du nouvel AMI, puisque Guillaume, il y a eu une première vague de lauréats en 2018, et là on en est où pour la deuxième séquence de l'AMI? Alors on a eu 17 lauréats en 2018, et en fait c'est en cours, hein, les dépôts de dossiers sont en cours, on rencontre des porteurs de projets qui le souhaitent pour justement leur permettre de bien préparer leur dossier en amont, voir si c'est opportun ou pas de candidater d'ailleurs, hein, et puis voir les réorienter le cas échéant, ou les envoyer vers d'autres modèles de financement. Et donc c'est en cours, donc c'est jusqu'au 3 mai en fait, pour le dépôt des candidatures. Et l'idée, ce sera sans doute de désigner des lauréats dans le courant de l'été. D'accord, très bien. Alors Julie Benoît, j'aimerais peut-être déjà vous entendre en réaction de ce que vous avez vu. Alors je sais que vous connaissez un peu la Normandie, puisque Bellastoc a déjà travaillé justement dans le secteur du Havre, je crois. Est-ce que vous avez l'impression de voir, de sentir les ingrédients propices à une belle dynamique autour du réemploi dans le bâtiment en architecture? Ah bah, bien sûr, enfin, c'est très agréable d'écouter autant d'expériences. On a eu l'occasion de faire un chantier au Havre, une déchetterie où on a pu intégrer de la brique, voilà, issue des constructions alentour. C'était une expérience de maîtrise d'œuvre avec ER Architect. C'était très intéressant et instructif. Et puis, non, mais c'est vrai qu'on travaille aussi ensemble. Déjà, on échange ensemble depuis longtemps, et puis on a l'occasion de faire un projet. Mais alors, c'est la Normandie qui vient à Paris, puisque c'est à Stein dans le 93, à l'occasion d'une ferme, voilà, la construction d'une ferme. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que vous... Voilà, vous voyez une belle dynamique, très bien. Et alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que au sein de Bellastoc, vous travaillez depuis pas mal d'années sur le réemploi, et en 2012, en fait, a été engagé un travail à la fois de recherche opérationnelle qui s'appelle Repart. Alors moi, je disais tout le temps Répare, mais je crois que vous dites Repart. On a entendu toutes les façons de le prononcer possibles. En fait, Repart, à la base, c'était pour parler du réemploi comme passerelle entre architecture et industrie. Oui, c'est nous, c'est une aventure qu'on a entamée en 2012 assez sérieusement, la question du réemploi. Parce que au sein de notre structure, on avait déjà l'occasion de s'y frotter à cette question de réemploi dans la construction, et on se rendait compte que il y avait beaucoup de choses qui commençaient déjà à émerger, mais que on avait beaucoup de difficultés à avoir une vision d'ensemble et donner une cohérence sur la filière. Donc c'est vrai que voilà, en 2012, donc avec l'ADEME, on est parti sur une première réflexion d'étudier les chantiers de démolition et de réhabilitation, et de savoir si c'était l'occasion d'impulser des filières de réemploi. Finalement, si on pouvait, vu qu'on parlait déjà largement, plus personne à l'époque ne démolissait avec une boule, hein, on était déjà dans une logique de déconstruction, enfin on peut le dire, hein, les démolisseurs ont des expériences qui sont très intéressantes et ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Donc c'était l'occasion de savoir si dans les temps de curage, on pouvait déjà commencer à imaginer de collecter des matériaux en vue de les préparer. On n'était pas encore tout à fait dans la question de savoir dans quelles conditions les réintégrer, mais déjà savoir s'ils pouvaient initier des filières et avoir une cohérence et être dans un champ très formel, très encadré, avec un cadre réglementaire et normatif assuré, dans une logique de commande publique. Ne pas être dans une logique du bon coin des matériaux, qui est très intéressante, mais qui n'était pas celle dont on aspirait. Et en fait, ça a été super intéressant. On a commencé, on a mis les pieds sur un énorme chantier de démolition. On a fait la MO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour la déconstruction partielle des entrepôts printemps à l'Île-Saint-Denis. 80 000 tonnes de béton. Alors, c'était vraiment surtout du béton, c'était assez gigantesque, des entrepôts de stockage. Et on a commencé à se rendre compte que les initiatives étaient intéressantes, que la déconstruction, ça existait déjà, qu'il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites sur la déconstruction dans les années 90, notamment en vue du réemploi. Il y a des cahiers techniques du CSTB, des enquêtes de l'ADEME, même des CD-ROM de l'époque qui expliquaient ça. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses. Et en fait, parce que souvent on dit oui, le réemploi, ça existe au 19e siècle, il y a une rupture. Avec la reconstruction, on a oublié tout ça. C'est vrai, oui, bien sûr, on a oublié tout ça. Ça existait avant, oui, bien sûr. On a on a le roi Merlin qui faisait d'abord du réemploi. Enfin, on a plein d'histoires comme ça, mais très tôt. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 90, si on a commencé à penser cette déconstruction. Et en fait, ce qui bloquait, c'est qu'on était encore vraiment trop dans cette logique de construire standard et qu'on n'avait pas cette injonction de durabilité qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une vraie rupture. Voilà, on est au 21e siècle, on est une vraie rupture parce qu'on pense la transition et on pense à construire autrement. Et en pensant à construire autrement, on accepte de déconstruire autrement et d'avoir une balance assez fine qui a été évoquée, économique et technique, avec des plus et des moins-values, pour essayer d'organiser une filière où un surcoût à la dépose peut générer un intérêt à la fourniture. Et puis on est parti sur Repart 2 qu'on a livré en 2018, donc tous les documents sont open source. Oui, on les retrouve, hein, dans un moteur de recherche, vous tapez Repart REPAR et Bellastock et vous tombez directement sur la page des documents. Et donc, du coup, ce programme de recherche qu'on a livré en 2018, on l'a fait vraiment dans une dynamique collégiale. Et ça, c'était hyper important pour nous. On a vraiment insisté sur le fait que le réemploi, c'est une vision dynamique d'une profession. Ça pose même toutes les questions de la chaîne de construire, hein, de toutes les étapes. Enfin, quand je parle de chaîne, c'est autant une chaîne technique, une chaîne de responsabilité, qu'une chaîne, une chaîne d'acteurs. Et l'idée, c'est de se dire qu'il n'y avait absolument pas une recette magique, une seule façon de faire. Enfin, on le voit, il y a autant d'expériences que de situations et de projets. Par contre, on a pu quand même essayer de voir qu'il y a des méthodes qui se retrouvent, et donc du coup on est dans une dynamique collégiale avec Encore Heureux, avec le CSTB, avec énormément de maîtres d'ouvrage sur tout le territoire français, de maîtres d'œuvre, d'entreprises, et de centres techniques. On a essayé d'étudier 14 retours d'expérience sur le réemploi qui ont permis d'expliquer finalement 14 façons de faire avec des choses qui sont similaires, d'autres oui, sont, des points de convergence, voilà, d'autres et, pas. Et derrière, on a décliné 14 fiches techniques validées par un bureau de contrôle pour justement montrer 14 solutions de réemploi et de réutilisation, donc avec des tournements d'usage, pour montrer voilà, ce qu'il est possible de faire. Et puis des référentiels. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, on voit de toutes les façons de plus en plus de retours d'expérience. On prend du plaisir à justement à collecter ces retours d'expérience et à rendre compte de ce qui est fait. Et on se penche beaucoup sur la question maintenant du territoire, bah, comme tu l'as dit, cette dimension, voilà, ce changement d'échelle et travailler avec un patrimoine, avec des grands donneurs d'ordre, publics ou privés, qui ont un patrimoine voilà, territorial un peu conséquent. Ça permet d'analyser de façon plus consistante la mine urbaine et de fabriquer des synergies et des filières économiques qui vont durer dans le territoire et qui ne sont pas que des filières minutes pour les besoins d'un chantier, qui est une forme qui est très très intéressante, mais voilà, qui pourrait, avec pour une question de massification et d'optimisation, aussi être amenée à être pensée dans certaines conditions. Ouais. Enfin. Ben, j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se dessiner là sur la région Normandie. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'ingrédients là, qui semblent être repérés. Non, mais je ne fais que dire ce qui a été dit, redit. Et non, voilà, mais c'est et bien, de, voilà, bien de, sûr, d'avoir cette bien confirmation. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Je me tourne tout de suite vers vous, parce que le temps file. Avez-vous des questions à la fois sur ces deux opérations lauréates, sur l'AMI à venir? D'abord, je vous remercie. On a pu voir à travers ce que vous dites... Approchez bien le micro, s'il vous plaît. J'ai pu voir à travers ce que vous dites et ce projet ici des Grandes Halles, qu'on parle souvent, souvent dans ces projets-là, de réemploi et de réhabilitation. Est-ce que c'est quelque chose de rare en France, ou du moins en fait en architecture, ou compliqué à mettre en œuvre? Alors, qui veut apporter une réponse? Vous me disiez, Julie, que finalement, on voit de plus en plus de cahiers des charges avec un volet réemploi, donc les lignes sont en train de bouger. Cette question du réemploi, elle est de plus en plus fréquemment abordée dans les appels d'offres, hein, publics et privés. De toutes les façons, c'est une très bonne chose, mais voilà, il faut que ça dépasse le cadre d'une simple volonté écrite, trois lignes sur une consultation. Il faut voilà, et c'est vrai que ce qui est important de toutes les façons, c'est que la maîtrise d'ouvrage soit à l'initiative, parce que sinon on n'avancera pas. Donc le fait de voir émerger cette demande, elle a plein de titres différents. Architecte avec compétences économie circulaire, réemploi, enfin voilà, il y a plein de façons de faire. C'est intéressant de voir en tout cas cette demande de réemploi dès les études en fait, avant la question des marchés travaux. Voilà. Et il y a beaucoup de choses. Après, on commence à voir, comme ici, des situations où on voit aboutir le réemploi, on voit vraiment atterrir le réemploi dans le projet. Moi, je trouve qu'il ne faut pas parler d'expérience. On n'est plus dans la phase d'expérimentation. Je ne crois pas qu'on est dans une phase d'expérimentation. Je pense qu'on est dans une... Voilà, on est dans une... On est dans le faire et voilà, dans le on est dans le faire, dans le déploiement. On est dans des phases... Voilà, ça avance. On est dans une vision... Ce qu'on peut voir, c'est que ça permet d'apporter une vision très coopérative du chantier. On n'est pas dans une vision concurrentielle des lots, des systèmes de fer. Mais même si on n'est pas dans une expérimentation, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas non plus pléthore d'expériences qui ont complètement abouti. Donc il faut faire des coups d'éclairage le plus fréquemment possible sur lorsqu'on va jusqu'au bout, de telle sorte de continuer à encourager. Mais dans les appels d'offres, on voit. Oui, est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Oui, peut-être Maud. Compléter. Je ne sais pas si Karine va dire la même chose, mais en tant que maître d'ouvrage public soumis à la commande publique, même avec de la bonderie, ça reste quand même assez compliqué. Hein. Actuellement, on se fait quand même un peu des nœuds au cerveau pour savoir comment on peut l'intégrer, comment on peut monter. On profite effectivement de l'expérience de la Grande Halle où s'il y a eu un gros travail et de fait... ils ont aussi un premier retour d'expérience sur des fois la complexité du montage juridique qui fait que derrière la régularisation par avenant, etc., demande beaucoup de temps et pas toujours simple. Donc on réfléchit à d'autres montages, d'autres manières de faire. Ça reste quelque chose qui est qui n'est pas simple malgré tout, qui est une vraie volonté. Et moi, je vois aussi, de notre point de vue, c'est que c'est aussi un changement de métier des chargés d'opération qui travaillent chez moi. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir différemment, il faut penser les projets différemment. Donc on a aussi cette appropriation à se faire avant que ça devienne quelque chose de naturel, même si depuis qu'on s'est lancé dans cette opération-là, on a les réflexes qui apparaissent. On était à Deauville hier avec Stéphanie pour voir ce qu'on pouvait faire, pas faire, etc. Donc ça devient naturel, mais c'est un réapprentissage un peu de leur métier. Mmh. Frédéric, vous vouliez compléter ? Oui, je voulais compléter avec le... Je ne sais pas si ça... Enfin, parce que je suis arrivé un petit peu après. Si vous avez déjà parlé du permis de faire, enfin, permis d'expérimenter, parce que cette semaine, c'est enfin sorti. Donc, on n'en a pas parlé. Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc, on va fêter ça. Enfin, parce que c'est quand même énorme, parce que ça va pouvoir permettre de déroger à toutes les règles de la construction, en fait. Et apparemment, bon, j'ai lu le texte, ça a l'air... Enfin, moins compliqué que ce que je craignais, puisque c'est, on pourra se reposer, enfin travailler avec les bureaux de contrôle qui pourront analyser en fait les dérogations qu'on souhaite faire et qui seront déposées en même temps que le permis de construire. Donc c'est pas, ça n'a pas l'air d'être une usine à gaz et je pense qu'il va falloir s'en saisir. En tout cas, le hangar zéro, j'espère, sera une machine à faire des permis de faire. Alors Julie, vous voulez compléter ? Non mais c'est pas une usine à gaz. Enfin, nous on va le tester là, on va le tester à Astin pour une filière de béton. Mais par contre, moi c'est les et je pense que c'est une très bonne remarque. J'y pensais quand tu parlais de réglementation incendie. C'est les évaluateurs moi qui me questionnent. Parce que je ne sais pas si vous avez lu le texte, alors ils peuvent être variés. En effet, il y a les bureaux de contrôle, mais dans quand même pas mal de situations, on se retrouve avec des centres techniques, le CSTB notamment, qui demandent d'être mobilisés. Moi, je pense qu'il faut gagner en agilité et je ne sais pas si on arrive à avoir un dialogue cohérent et pas juste un code entre experts quand on fait une évaluation de façon systématique avec des outils presque du 20e siècle avec des voilà. Donc je trouve que ça a l'air j'ai très envie qu'on l'essaye, je suis très contente que nous on va pouvoir aussi essayer tester ce nouvel outil. Mais moi ça me fait vraiment penser à la question de l'évaluation et de cette protection qu'on a de à chaque fois demander à un centre technique par une appréciation, une évaluation technique de vérifier est-ce que vraiment on va tomber là-dedans ou est-ce qu'on va pouvoir éviter ça et voilà quand on lit le texte je sais pas. Est-ce qu'il y a une autre oui alors ça sera la dernière question. Allez-y. Donc moi j'aurais une petite question. Excusez-moi, il y a une question. Qui permettrait de rebondir sur ce que tu as posé. Sur la première partie avec l'architecte d'Encore Heureux qui a parlé aussi des exemples en Hollande et aussi sur Bellastock parce que je sais que Bellastock c'est à l'international. Oui. Et donc en fait la question ce serait... est-ce qu'on a des retours sur des projets pareils de réemploi à l'international ? Est-ce qu'au niveau des normes, tout ce qui s'ensuit, est-ce que c'est complexe dans les autres pays ou plus facile chez nous, plus facile en Hollande ou plus facile Bellastock en Chine ou je ne sais pas. J'ai travaillé avec quelqu'un à Montréal qui avait fait Bellastock aussi, je ne sais plus, en Écosse. Alors, l'international, le réemploi hors des frontières françaises, où en sont les choses ? Peut-être, Julie, on en avait un peu parlé ensemble en préparant votre venue. Oui, alors, Bellastock est à l'international dans le sens où on est une association, on a une communauté d'adhérents qui organise régulièrement dans leur pays en fait des festivals d'architecture comme ceux qu'on propose en France. Donc on est vraiment sur un autre domaine que celui du réemploi. Maintenant sur la question du réemploi, on est parti sur un Interreg, c'est un projet européen de la région nord-ouest Europe. Donc ça embrasse les Pays-Bas, la Belgique, l'Angleterre et la partie nord de la France. Donc on est parti avec Rotor, avec différents acteurs qui ont l'habitude du réemploi, chacun dans leur pays. On a pu regarder le premier diagnostic ressources de 1995 dans anglais qui a été fait par un des membres partenaires du programme. Donc là c'est le tout début, mais on voit que on peut certifier que il y a de belles initiatives partout. Matière grise, ça a été parlé, on en a parlé, elle a montré déjà il y a plusieurs années qu'on est loin d'être les premiers à faire du réemploi, mais on n'est quand même pas non plus trop en retard parce qu'on a des expériences qui sont intéressantes. Après, c'est vrai que le contexte réglementaire et normatif français, il est quand même franco-français. On rajoute des complexités à la complexité. On est toujours plus bordé que ce que l'Europe propose. Le principe d'évaluation quand on travaille sur un produit innovant, on évalue systématiquement un couple matériaux domaine d'emploi avec un système nationalement orchestré, pour faire simple, par des industriels et par un lien avec des organes d'État. C'est pas du tout comme ça que ça se passe partout. Voilà. En Angleterre, on va contractualiser le risque chantier par chantier, donc on va être dans des systèmes souvent plus simples. BZ est bourré de réemploi et on était en 2002, si je m'abuse. Voilà. En Belgique, on est quand même pas si éloigné. On a l'équivalent du CSTB qui est le CST. Alors c'est vraiment et on voit que Rotor, par son vademécum déjà plusieurs années, a largement œuvré et montré qu'on peut faire du réemploi, voire même de la réutilisation. Donc c'est des tournements d'usage sur lesquels nous on travaille, cette spécificité, cette difficulté en plus, on va dire, sur laquelle on travaille. Donc surtout, c'est vrai qu'il faut être curieux. Aux États-Unis, il y a le Rebuilding Center à Portland. Pour quitter l'Europe, il y a beaucoup d'initiatives en Chine. Je ne connais pas assez la Chine, à part que je pourrais évidemment citer Wang Shu qui a fait des... Mais alors, c'est sûrement la forêt qui cache... C'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en Chine, on est plutôt sur une technique, a priori, plus de tabula rasa que de respect du patrimoine matériel, parce qu'on n'a pas la même conception culturelle. Donc, du coup, pour dire qu'il y a beaucoup d'initiatives, on a des vraies difficultés françaises, on n'est pas les derniers, mais c'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs. Et aussi dire qu'il faut travailler avec ce qu'on a comme patrimoine. Parce qu'il y a plusieurs études qui montrent que non plus, ça n'a pas forcément beaucoup évolué. Donc il faut vraiment travailler avec le patrimoine qu'on a. C'est très bien de se dire qu'il faut penser à des constructibilités des bâtiments, mais il faut aussi avoir en tête ce chiffre des études Sciences Po qui dit que en 2050, 80% des logements qu'on aura sont déjà construits en 2005. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément dans un système de rotation des bâtiments. Donc ce qu'on déconstruit maintenant, c'est la mine, elle est là. Donc il ne faut pas se cacher derrière « je vais déconstruire ». Il faut plus tard, en faisant concevoir maintenant correctement le bâtiment, il faut surtout regarder ce qu'on a. Oui, ben je voyais Karine opiner du chef à ces éléments-là, parce que j'imagine qu'en tant que bailleur social, cette vision à moyen-long terme, ça fait partie justement des éléments qui vous permettent d'être un opérateur important pour déployer des filières locales de réemploi. Oui, parce que déjà, quand on construit un logement, il faut savoir qu'on emprunte sur 50 ans. Donc, tant qu'à faire, on essaie de le garder 50 ans. Effectivement, sur tout ce qui est réemploi, je voudrais insister qu'en tant que maître d'ouvrage public et intérêt général, quand même, on se doit en fait de se lancer dans cette expérience qui, effectivement, où il faut être très agile. Et dans une ancienne vie, sur un de mes premiers chantiers, j'ai voulu faire du réemploi et utiliser de la paille, etc. Et j'ai rangé mon dossier parce que c'était très très compliqué au bout de 5 ans. On est finalement parti sur des choses très simples. Et donc je suis contente aujourd'hui qu'on ait créé justement cette direction innovation et développement qui va me permettre, moi, avec mes équipes, de me battre et de faire preuve d'agilité pour avancer et justement pouvoir faire créer une filiale. Et puis du coup, avec le département... ça fait beaucoup de potentiel et débouchés, ressources. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est se donner rendez-vous dans 2-3 ans. Le hangar zéro fonctionnera. Le projet de filière, la phase d'évaluation sera aboutie. Et puis la plateforme, on aura un club qui fonctionne et une filière bien structurée. On peut faire ce pari-là ? tenu. Eh bien, merci à vous cinq d'avoir contribué à nos échanges. Guillaume Déal, Karine Morel, Maud Dauphineau, Julie Benoît et Frédéric Denise. Alors, au cours de ces deux tables rondes, il y a un acteur dont on a parlé mais qu'on n'a pas encore entendu, c'est l'ADEME. L'ADEME qui fait partie de cette gouvernance à trois têtes en région qu'évoquait Guillaume Déal. L'ADEME qui a été partenaire du programme de recherche REPAR lancé par Bellastock depuis 2012. Et donc, Éric Prudhomme, nous sommes très heureux de vous avoir. Vous êtes le directeur régional délégué de l'ADEME. Est-ce que nous avons dit des bêtises? Est-ce qu'il y a des oublis? Est-ce qu'il y a... Vous avez des annonces à nous faire? On vous écoute en conclusion de cet après-midi. J'ai pas du tout entendu de bêtises, en tout cas. Je voudrais commencer par dire bravo. Bravo d'abord à ce projet. Et puis bravo à tous les projets, les initiatives sur la région qui ont été évoquées. Et puis bravo à vous, parce que écouter dans les conditions de froid, c'est pas évident, mais ça garde un petit peu, justement, d'attention. On parlait de frugalité en début de cette réunion. C'est sûr que là, on a goûté à la sobriété énergétique dans toute sa dimension. En tout cas, bravo à vous. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et des choses vraiment extrêmement intéressantes et qui ont résonné positivement par rapport aux engagements que l'ADEME souhaite prendre et en partenariat, comme l'a dit Guillaume, avec la région et l'État. Sur cette question du réemploi. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on réussisse, hein, c'est ce que nous a montré le premier intervenant, c'est qu'aujourd'hui, ce réemploi, il est encore fait, effectivement, dans des bâtiments emblématiques, et c'est pratiqué par des gens qui sont quand même assez engagés. Quelqu'un a dit, c'est également militant. Il faut qu'on passe demain à des pratiques courantes, quoi, et qu'on fasse... je dirais, un peu dans chacun des bâtiments qui pourront être faits, qu'on puisse avoir ces pratiques-là. Donc pour moi, ça, c'est un enjeu important, et je pense que la démarche qui a été décrite dans la première table ronde autour de la construction de ce projet, elle est extrêmement représentative de la manière dont on doit travailler demain sur ce sujet-là. C'est-à-dire que le réemploi, ça n'est pas une question technique. Ça l'est, effectivement, mais ça n'est pas que ça, et ça n'est surtout pas que ça. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu à travers l'ensemble des intervenants de cette première table ronde, on avait toute la chaîne qui était là, peut-être pas les entreprises. Moi, ça aurait été intéressant qu'on ait des entreprises, on a beaucoup parlé d'elles, de leur engagement, etc., de leur intérêt dans cette démarche-là, ça aurait été intéressant. Alors quelqu'un a dit, la FFB sont pas là, etc., bon, c'est sûr. Mais moi, j'aurais bien aimé avoir des entreprises, parce qu'on voit bien effectivement que dans ce projet-là, toute la chaîne a été intégrée. Le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les entreprises, etc. Et ça, je pense qu'on réussira le réemploi à partir du moment où on a mis effectivement toute cette chaîne en route et on a motivé toute cette chaîne pour travailler ensemble. Ça me paraît être quelque chose d'extrêmement important. C'est sûr que la place du maître d'ouvrage, alors là, le maître d'ouvrage est parti, mais on en a d'autres, la place du maître d'ouvrage est fondamentale, mais c'est comme dans tous nos projets environnement. Enfin, si le maître d'ouvrage, il n'est pas pilote, si le maître d'ouvrage, il ne porte pas le projet, globalement, on a beau batailler derrière, ça ne va pas aller très loin. Donc c'est vrai que la place du maître d'ouvrage est essentielle, et globalement, on voit derrière qu'il faut lui donner aussi les moyens de tenir cette position, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille sur la question des garanties, qu'on travaille sur la question des assurances, qu'on travaille sur la question des modèles économiques, pour qu'effectivement, lui, il parte en confiance, même si il a quelques membres qui sont motivés et un peu engagés, il faut que, voilà, globalement, il ait confiance. Donc là, il y a un vrai travail à faire, et je pense que, en tant que, justement, dans ce programme qu'on mène avec la région et l'État, on a une sensibilisation à faire dans ce domaine-là, près des maîtres d'ouvrage, pour leur dire, voyez, c'est faisable. Comme l'a dit la dernière intervenante de la table ronde, faut quand même être motivé, et puis il faut quand même du courage pour y aller, mais on est tellement content quand c'est réussi, donc c'est sûr qu'il faut, il faut l'aider à trouver cette motivation. Après, il y a la maîtrise d'œuvre. Bon, là aussi c'est assez évident qu'il faut qu'elle soit complètement engagée là-dedans. Alors c'est vrai qu'on voit de plus en plus des architectes, des bureaux de maîtres d'œuvre qui s'engagent dans ces dimensions-là. Bon, c'est peut-être aussi des choses qu'il faut qu'on travaille au niveau des écoles d'architecture, ou qu'on travaille au niveau de la formation initiale, pour pouvoir aussi changer un petit peu les modèles de construction dans les futurs bâtiments. Et puis, vous l'avez dit, les entreprises. Les entreprises, on voit bien qu'elles sont prêtes à y aller, mais vous l'avez dit, Rebecca, plusieurs fois, c'est, il faut qu'elles soient véritablement partenaires, qu'elles ne soient pas à subir quelque chose qui lui a été imposé par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est là aussi, il faut qu'on travaille, nous, avec la FFB, avec la CAPEB. Bon, on le sait tous, hein, c'est pas quand même des gens avec qui il est facile de travailler, je le dis comme ça, vous voulez m'en excuser, mais en tout cas, voilà, il faut argumenter, il faut discuter, il faut échanger, c'est pas d'un claquement de doigts que tout ça va se réaliser. Et puis je pense que il y a aussi un changement de posture, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans un chantier de déconstruction, bon, pour un certain nombre de chantiers supérieurs à 1000 m², je crois, on est obligé de faire des diagnostics déchets. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est demain les appeler diagnostics ressources. Je crois que c'est effectivement un petit peu... Ça veut dire que la posture, elle change complètement. C'est-à-dire que j'ai plus effectivement des déchets que je devais gérer, mais je vais pouvoir créer de la ressource pour d'autres chantiers, mettre en place des plateformes d'échange, etc. Donc on est dans quelque chose qui est totalement différent en termes de posture. Et ce qu'on s'aperçoit en plus, c'est que dès lors qu'on travaille sur du réemploi sur un chantier, on s'aperçoit que immédiatement derrière, on augmente aussi le taux de recyclage. Et ça, c'est vraiment, je dirais, c'est un effet positif de cette démarche-là. Donc ça, c'est des choses que j'ai retenues qui sont importantes. Et c'est vrai qu'il y a aussi un domaine sur lequel il faut qu'on travaille, c'est celui de la commande publique. C'est vrai que ce n'est pas simple pour les acheteurs publics aujourd'hui, compte tenu des marchés publics, de pouvoir introduire ces notions-là. Donc vous le savez certainement, au niveau régional, là aussi, on a une démarche, d'ailleurs, dans le cadre de nos clubs économie circulaire, avec un club qui s'appelle le RANCOPER, qui est donc un club pour les acheteurs publics, pour les grands acheteurs publics, dans lequel participent la région, la métropole, l'ARS, etc., là aussi pour essayer de passer outre ou d'essayer de convaincre par rapport à des arguments plus juridiques pour pouvoir introduire dans les marchés ces possibilités de réemploi. En tout cas, voilà. Donc moi, ce que je retiens de cela, c'est que globalement, il faut travailler tous ensemble. Et on voit que derrière, du coup, ça crée autre chose. Ça, on a parlé d'humain, on a parlé effectivement de convivialité, etc. Donc tout de suite, ça crée autre chose, et c'est pas pour rien que finalement, dans ces premiers bâtiments qui utilisent leur emploi, et bien derrière, ce sont des tiers-lieux, ce sont effectivement des endroits où on peut partager, où on peut accueillir du grand public, etc. Mais c'est bien, mais je pense qu'encore une fois, il faut qu'on dépasse ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne aussi des règles dans des bâtiments plus courants. Et pour finir, donc, moi j'ai retenu plusieurs choses en termes un peu de prospective, de sur quoi il faut qu'on travaille demain. D'abord, c'est la question, effectivement, cette fois-ci, de l'éco-conception. C'est-à-dire que là, on utilise des anciens bâtiments. Demain, on va utiliser ceux qu'on construit aujourd'hui. Donc, c'est de réfléchir, effectivement, sur ces nouveaux bâtiments. Comment, demain, ils vont peut-être pouvoir démonter, vous l'avez dit. Hein. Comment ils vont évoluer aussi. C'est-à-dire qu'un bâtiment qui, aujourd'hui, va utiliser pour, j'en sais rien, de l'habitat, demain, peut-être pour du tertiaire, etc. En tout cas, d'essayer de voir comment ce bâtiment, il peut évoluer et il n'est pas soumis à son simple premier usage. Donc ça me paraît être important. Aussi se dire, bah, si je mets ces matériaux-là, comment ils vont être utilisables, hein, vous le disiez tout à l'heure, par rapport effectivement à ces poutres, par exemple, qui pourraient être démontées et réutilisables dans d'autres choses. Et puis aussi se dire, mais bon bâtiment que je construis, il va devoir être entretenu et maintenu. Et donc, dans cet entretien de maintenance, il ne faut pas non plus que je me mette des contraintes qui font que je vais devoir avoir beaucoup de déchets, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc, travailler sur des bâtiments éco-conçus, finalement. Comme aujourd'hui, on éco-conçoit une voiture pour qu'elle soit entièrement recyclable, et bien qu'on conçoit un bâtiment demain pour qu'il soit entièrement recyclable. J'ai retenu la deuxième idée aussi, qui est celle du label. C'est vrai qu'on sort des labels beaucoup sur les constructions neuves, avec le plus c'est moins, par exemple. Bon, ben, peut-être que là, il faut aussi, par rapport à ça, avoir un label sur un taux de réemploi qui pourrait permettre effectivement de mettre en avant et de valoriser ces bâtiments. Le troisième point que j'ai retenu, c'est bien sûr la filière régionale. Là, encore une fois, bon, on est dans l'économie circulaire, je ne vous refais pas le topo, mais l'économie circulaire, c'est on crée de l'économie locale, on crée de la valeur ajoutée sur le territoire, etc. C'est-à-dire que tout ce qu'on va effectivement créer comme emploi derrière, c'est des emplois qu'on va créer sur notre territoire, et ceux-là, ils ne sont pas délocalisables. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Et donc, ça pose aussi la question du modèle économique. Là aussi, il y a eu une question sur mais combien ça coûte, etc. Il y a eu la réponse, et moi j'ai bien aimé la réponse, qui est de dire qu'il ne faut pas qu'on se pose que la question de l'économie, mais en tout cas, elle se pose. Donc à un moment donné, il faut savoir quand même aussi y répondre, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Et puis je pense que effectivement, le permis de faire, bon bah voilà, ça c'est aussi une super opportunité. Alors il faut espérer effectivement que ça soit un vrai permis de faire, qu'on puisse expérimenter et faire des choses et pas se faire taper sur les doigts dès qu'on sort un peu des sentiers battus. En tout cas, ça aussi c'est quelque chose qui va permettre un petit peu d'expérimenter, de créer, etc. Et on retombe sur aussi ce qu'on disait au départ, c'est frugalité et créativité, etc. Hein, donc il y a besoin de créer, mais là j'ai pas trop d'interrogations parce que bon, les architectes généralement sont des gens créatifs et donc on va pouvoir trouver des choses intéressantes à faire. En tout cas, voilà, moi ce que j'ai retenu de ce qui a été dit là et aujourd'hui, ça correspond complètement à la posture de l'ADEME. Ça correspond complètement à ce qu'on a ensemble essayé de construire avec la région et puis l'État sur justement cette dynamique de l'économie circulaire. Et moi, je suis très content que justement des projets comme celui-ci, peut-être demain, enfin, sûrement demain d'ailleurs, le hangar zéro, seront des projets emblématiques, non seulement au niveau régional, mais également au niveau national. En tout cas, comptez sur moi pour pouvoir, et sur l'ADEME, pour pouvoir en faire effectivement des projets emblématiques. En tout cas, voilà, encore bravo. Bravo à tous ces gens qui s'investissent dans ces projets. Et puis moi, je trouve qu'effectivement, on voit bien que le collectif, c'est une formidable chose pour faire avancer ces projets-là. Et que sans ce collectif-là, je pense qu'on n'irait pas bien loin. Voilà. Merci en tout cas d'avoir organisé cet après-midi. Merci. Merci beaucoup, Éric Prudhomme, pour cette conclusion.